Bienvenue tout le monde sur la POC, édition du 19 octobre 2017. JB Gagné, ton animateur, et avec moi, Jerry Godbout. Yo! Comment est-ce qu'il va? Ben, ça va très bien, mieux que le Canadien. T'es pas en train de t'ouvrir les veines? T'es pas en train de déconner une dépression sportive? Non, parce que mon autre club gagne. Ouais, quand t'as un plan B qui est meilleur que le plan A, ça peut bien se passer. Ah, c'est ça, ça va bien, ça va bien. D'entrée de jeu, commençons en plaçant les pions. Quand on a fait notre précédente émission, le Canadien n'avait pas encore entamé sa saison régulière. Donc, je vais faire le compte-rendu de l'actualité là, des matchs du Canadien de Montréal. Ça a débuté quand même de bonne façon avec une victoire en titre de barrage. But pour la victoire de Jonathan Drouin sur une magnifique feinte qui a permis au Canadien de l'emporter 3-2 contre les Sabres de Buffalo. Et ensuite, la chaîne s'est mise à débarquer. Samedi le 7, c'est les Caps de Washington qui sont on visite Washington. Défaite de 6-1 là-dessus. Tour du chapeau pour le capitaine Alex Ovechkin. Le lendemain, dimanche, c'est les Rangers de New York que le Canadien visite. Et là, on muselle complètement l'attaque de l'organisation montréalaise. Défaite de 2-0. Match d'ouverture au Centre Bell, c'est les Blackhawks de Chicago qui se pointent le bout de leur nez et ils viennent gâcher le party. Victoire de 3-1 pour les Indiens sur le Canadien. Ensuite, Toronto le samedi suivant, le 14, défaite du Canadien en prolongation, 4-3, une superbe pièce de jeu d'entrée là, en prolongation là, de Austin Matthews pour aller donner la victoire. Ça, c'en est un qui, semble-t-il, sait jouer au hockey. Ensuite, on entame un court voyage dans l'Ouest américain, dans le Sud-Ouest. Mardi, le 17, en plein milieu de la nuit, le Canadien de Montréal dégelé de 5-2 contre les Sharks de San Jose. Et hier, donc au moment d'enregistrer, là, soit le 18 octobre, le Canadien affronte le Lightning de Tampa Bay. Jusqu'à 7 minutes de la troisième période, c'était 1-1. Le Canadien tenait bon. Et finalement, la chaîne débarque à nouveau, défaite de 5-1. L'affiche du Canadien est donc de 1 victoire, 5 défaites en temps réglementaire et 1 défaite en prolongation. Donc, un gros total de 3 points accumulés jusqu'à maintenant dans cette saison. Jerry, écoute, je peux pas commencer le show autrement qu'en te demandant c'est quoi ton avis général jusqu'à maintenant de la saison du Canadien de Montréal? Comme tu as dit, la chaîne a débarqué sur un moyen temps. Mais c'est surtout, tu sais, je veux dire, ça arrive souvent à des équipes que ça fonctionne pas, il y a des passages à vide. Mais tu sais, tu vois qu'il y a des équipes qui travaillent quand même un petit peu plus. J'ai pas l'impression que les Canadiens sont là. Je veux dire, Pacioretty ne fait absolument rien pour aider son club. Tu sais, en plus, il est quand même droit avec lui, qui lui, quand même, je trouve, à date, ça va quand même bien. Je veux dire, en 7 games, il y a 5 points. C'est pas c'est pas lui le problème à l'attaque. Mais sinon, tous ceux qui travaillent, c'est comme Udon, je pense qu'il lâche jamais. Lekkonen ne lâche pas, mais Patrick, il fait rien. Getchenyuk a de l'air mêlé. Puis comme j'ai déjà dit aussi, il n'y a aucune relance de la défensive, fait que ça doit mélanger les attaquants. Tu sais, ça je le vois souvent sur Facebook, là, les gens qui disent que l'attaque fonctionne pas. Oui, d'un sens, elle fonctionne pas. Elle a comme une moyenne de 1.40 points buts par match, ce qui est vraiment, mais vraiment bas. Mais c'est aussi le... Tu sais... Quand t'as aucune relance, ça doit être difficile de garder un rythme en entrée de zone. Fait que je pense que je leur donne pas le bénéfice du doute en tant que tel, parce que, tu sais, oui, ils tirent beaucoup, mais on va se le dire que quoi, il y a 10 tirs qui sont dangereux, puis encore là. Sinon, je pense que c'est pas mal. La chaîne a débarqué, mais c'est la défensive qui est vraiment le gros problème. Voyons, elle est tellement hot, elle est meilleure que celle de l'an passé. Dixie ouais. Et Marc Bergevin au tournoi de golf. Ça, cette citation-là va venir le hanter pendant longtemps. Ça fait partie de l'atmosphère qu'on a dans la population. Il y a un désenchantement envers le Canadien de Montréal. désenchantement en ce sens que, tu sais, ça peut arriver des séquences de défaites. Mais le Canadien de Montréal, outre ben Schlemko, il n'y en a pas de blessés. C'est le club de Marc Bergevin. C'est l'alignement qu'il a concocté et qu'il considère être capable de les amener en série et ben, peut-être batailler si les astres s'alignent pour une Coupe Stanley. Puis en plus, sa défensive est meilleure qu'année passée. Puis sûr, quand il dit ça, il comptait pas Victor Mété là-dedans. Là. Non, c'est ça qui est une erreur de parcours pour le Canadien de Montréal. C'était pas supposé. T'sais, imagine s'il serait pas là. Ça serait quelque chose. Imagine. C'est pas vraiment le seul qui fait la relance. Il y a plusieurs constats. Là. Depuis le 1er avril dernier, là, le Canadien ne joue même pas pour 300. Le capitaine, Max Pacioretty, dans les presque sur l'échelle d'une demi-saison, là, depuis l'arrivée, depuis, je pense, c'est janvier ou février dernier, 8 buts seulement. Pour un marqueur que, tu sais, on dit, ah, il s'approche des 40 à chaque saison, ça commence à faire une disette qui est assez intense là, pour le Canadien, pour le capitaine de l'équipe. Les points d'interrogation commencent à popper d'un peu partout. Là. Puis on peut comprendre, moi je comprends parfaitement la grogne de la population, parce que si au moins la défaite, on sentait qu'elle servait à quelque chose, ou que ça arrivait aux dépens du Canadien de Montréal. Exemple, s'il y avait d'immenses blessures, Carey Price est blessé, Shea Weber en même temps, tu te dis « ouais, c'est normal, le club est diminué ». Là, non, c'est l'alignement de Marc Bergevin. Si les défaites, c'était, écoute, en raison que le Canadien veut reconstruire et volontairement veut accumuler des défaites pour aller chercher un haut choix repêchage, ben on serait pas nécessairement dans la population tous contents, mais on aurait une bonne raison de perdre. On pourrait maximiser la défaite. Là, en ce moment, ce que ça amène comme situation, c'est que le Canadien va devoir, si l'objectif est toujours de faire les séries, c'est de se battre contre son début de saison. Puis on parle d'une tendance là, qui commence déjà à être lourde et le mois d'octobre n'est même pas terminé. Si le Canadien, puis j'écoutais Martin Lemay, puis ça, écoute, chapeau pour l'analyse là-dessus, si le Canadien veut pouvoir aller atteindre les 96 points en moyenne que ça prend pour faire les séries, puis ça, c'est pas sûr, là, on parle d'une moyenne. Il y a des saisons où est-ce que ça en prend plus que ça, puis à 96, c'était quand même éliminé. Ça veut dire que le Canadien doit avoir un pacing de 2 victoires sur 3 matchs minimalement. S'il garde pas une cadence de ce niveau-là, ne fera pas les séries. Alors, est-ce que, puis je te lance la question, est-ce que le Canadien doit viser à remettre le train sur les rails ou laisser la patente brûler pas appeler les assurances comme notre chum Sylvain Rioux a lâché le call l'autre fois sur notre page Facebook? Ben, man, rendu là... Es-tu déjà prêt, là, en ce 19 octobre, à mettre une croix sur la saison du Canadien de Montréal? Moi, je suis prêt depuis l'année passée. J'aime pour ça. Vrai, là. Je veux dire, l'année passée, on en parlait d'échanger Carey Price, le contrat allait être trop gros. Là, il y a un contrat en poche, fait que tu peux probablement l'échanger. Puis tu sais, comme j'avais marqué il y a pas long sur Facebook, je me souviens pas, le commentaire était sur quel statut, mais c'est pas compliqué, je liquide au complet. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Ouais. Je parle souvent du podcast On Jase. Je veux saluer Mathieu Petit, qui est un de nos auditeurs qui nous écrit régulièrement, qui m'a contacté en privé et m'a dit, je pense que c'est mercredi, il me dit « Hey, t'as-tu écouté le show de On Jase? Il y a Éric Bélanger, puis j'ai l'impression que c'est toi qui parles. » Je fais « Comment ça? » Puis je suis allé écouter le show par après, là, puis toutes les idées que moi j'avance sur la POC depuis maintenant la 4e saison, Éric Bélanger les disait. Puis ce que je mentionnais à Mathieu, c'est que, wow, tu sais, un gars dans un média montréalais qui est sous le. Tu sais, veut pas, là, il est sous l'égide du Canadien de Montréal. Là, il y a quand même une certaine dose de contrôle de la part du Canadien de Montréal. Un gars qui est dans les médias montréalais, même si c'est juste un podcast là, pour RDS, c'est pas leur chauffeur, mais qui se permet d'y aller d'une analyse aussi champ gauche que moi, je fais de ce que le Canadien devrait mettre en place comme stratégie, j'étais sur le cul. On est dans la bonne voie. J'étais sur le cul. Là. Un premier, si ça peut faire son chemin, on va peut-être gagner, on va peut-être avoir gain de cause. Fait que je salue Mathieu qui a pensé à moi en écoutant ce show-là. Je serais content de recevoir une passe à la palette de cette façon-là. L'émission cette semaine va être un peu particulière, Jerry, parce que j'ai demandé, comme on fait régulièrement sur nos shows, la journée de l'enregistrement, je fais tout le temps un petit statut, puis je dis aux gens, regarde, c'est un sujet, c'est une question, c'était quelque chose que tu veux qu'on parle, c'est le temps, garoche-toi. Et là, il y a une avalanche de sujets qui vient du public, et je pense pas qu'on aurait pu ratisser plus large que eux autres le font dans leurs questions. Fait je pense qu'on va y aller avec ce que le public nous pose comme question, puis que ça va diriger la discussion. Je suis bien d'accord avec ça. D'accord avec ça. On va commencer avec Marc Pendeau qui nous demande les remplaçants potentiels pour Marc Bergevin. Lui, là, dans sa tête, le DG, on le sac dehors, ça nous prend des remplaçants. Qui on vise et pourquoi on vise ces gens-là? Pourquoi ces candidats-là devraient être choisis? Et on a deux personnes qui ont répondu. Il y a Donald Cheney qui dit « Moi, j'aimerais bien une association de Patrick Roy comme DG et Bob Hartley comme coach. » Et là, avant de tasser Claude Julien, je pense qu'on va lui donner plus que 20 matchs à la barre du Canadien de Montréal. Je pense que ça, tu sais, Claude Julien n'a pas trop à s'inquiéter, mais j'avoue qu'une combinaison assez bouillante comme ça pourrait être intéressante. Et il y a Simon Arv Even, je ne sais pas si c'est son vrai nom, je pense pas grave. Roy va revenir dans la Ligue seulement en même temps que le club à Québec parce que Québec, c'est sa ville, pas Montréal. Et ça ferait du sens, vu son association de longue date avec le Club des Remparts à Québec, dont il est encore copropriétaire, si je ne me trompe pas. Donc, Jerry, toi, si tu avais à mettre en place un nouveau DG, qui mettrais-tu? Bien, je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs qui pointent vers Patrick Roy. La seule affaire que j'aime pas, c'est que j'ai le feeling, puis même s'il a dit le contraire dernièrement, que le coaching, il serait peut-être un peu moins axé sur ça, qui visait vraiment plus DG. Faudrait pas oublier que DG dans le junior et DG dans la Ligue nationale, c'est pas la même chose. Surtout qu'il y a une question de cycle pis tout dans le junior. Puis en même temps, est-ce que Roy va vouloir partir en reconstruction? C'est sûr que dans un sens, quand tu pars en reconstruction, tu sais, là, tu montes vraiment ton club à toi pis t'es. Selon moi, quand t'es en reconstruction, c'est clairement carte blanche, là, on va se le dire. Je déteste pas l'idée en tant que telle, mais je mettrais quand même un petit bémol parce que je sais pas à quel point ça serait bon. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire de se donner comme plein pouvoir. Ouais, si je me fie à ce qu'il a fait avec le Colorado, j'ai des petits doutes. Ben, c'est parce qu'en même temps, c'est que le bateau coulait, puis il a juste fait genre, regarde, je m'en vais. Ben, tu sais, il a un peu amené à ça aussi. Oui, c'est ça. Il y avait une part de décision. Lui et Joe Sakic, au moment où est-ce qu'il était à la barre de l'équipe, c'était affenaf quasiment là, les pouvoirs décisionnels. Je pense pas que Roy peut se permettre d'avoir les deux rôles dans la Ligue nationale. De ce que je comprends, là, ce que toi t'avances, c'est qu'il veut plus avoir le poste de DG, puis je pense pas qu'il a fait ses preuves. Est-ce qu'on veut vraiment, là, encore une fois, donner ce club-là à un gars qui va faire ses classes à Montréal? C'est ben, moi, je donnerais plus. Je pense que la seule personne qui a quand même fait un minimum ses classes, mais pas comme DG nécessairement, là, je prends vraiment beaucoup le fait francophone parce que je sais à quel point c'est hyper important pour les fans de Montréal. Mais Julien Brisebois... Moi, je l'ai sur ma liste aussi. Mais j'ai un autre nom qui va... Tu vas capoter. Je vais capoter? Ouais. Mais Julien Brisebois, moi, je pense que ça serait une bonne affaire. Puis, tu sais, je veux dire, le gars, il a une Christie de bonne tête de hockey. Puis, tu sais, je veux dire, je pense quand même qu'il y a beaucoup de... des succès de Tampa Bay qui peuvent lui revenir. Tu sais, je veux dire, c'est pas juste Steve Eiserman. Non. Julien Brisebois avec lui. Là. Oh, tout à fait. Fait que, tu sais, à quel point Julien Brisebois propose des choses, à quel point il y a un certain contrôle sur l'effectif du Canada, pas du Canadien, mais de Tampa Bay, j'aimerais tellement ça dire Canadien. Mais sinon, en tant que tel, j'ai pas tant de noms qui me viennent en tête. Moi, j'en ai un, mais je le verrai en comité, justement à cause du fucking fait français, là. Parce qu'à Montréal, ça prend du monde qui parle français, puis on se limite pas mal le bassin de talent, là. Mais... Il y a quelques années, là, Shanahan a pris la barre du club des Maple Leafs de Toronto. Il était cherché Lou Lamoriello pour l'épauler en tant que DG. Il voulait un grand-papa pour ce club-là. Puis pas juste un grand-papa parce qu'il y avait reconstruction puis il allait avoir des jeunes joueurs. Pas juste ça. Il voulait un grand-papa aussi pour surveiller un genou qui allait faire ses premiers pas dans la Ligue nationale, lui apprendre les ficelles du métier, lui passer la poque bien comme du monde. Et lorsqu'il a été embauché, Lou Lamoriello a dit de ce gars-là, « Moi, je suis pas ici pour voler la job. Je suis là pour lui paver le chemin. Et si, quand je vais quitter, il ne devient pas DG, ça sera de sa faute parce que tout est fait en sorte pour qu'il devienne le gars qui dirige les Maple Leafs de Toronto. » Et moi, c'est pour ça que je vais le chercher, parce qu'il était entouré par deux gars qui ont eu la vision et dont il récolte les succès en ce moment, et que maudit que j'aimerais ça qu'il rapatrie cette vision-là. C'est un gars qui est stats avancé, mais pas trop. C'est un gars qui sait évaluer le talent, un gestionnaire hors pair, mais qui joue dans l'ombre en ce moment. Et j'ai nommé Kyle Dundas. En ce moment, c'est le bras droit de Lou Lamoriello. C'est lui, dans le fond, le DG, mais celui qui met le saut final sur les décisions, c'est Lou Lamoriello, parce que c'est comme ça un peu. Là, c'est un monde de dinosaures, faut que tu fasses des contacts. Il est en train de faire ça pour lui. Moi, je vais chercher Kyle Dumbass. Et en tant qu'assistant au DG, ils ont toujours des clauses échappatoires pour avoir le rôle ailleurs, si jamais le vrai poste de DG se libère. Fait que ce que ça amènerait pour le Canadien de Montréal, une vision incroyable, et de deux, tu irais affaiblir ton ennemi juré à l'autre bout de la 401, les Maple Leafs de Toronto, parce que soit ils te laissent jaser avec puis que tu puisses l'embaucher, soit ils sacquent dehors Lou puis ils le mettent tout de suite en poste. Fait que dans un cas comme dans l'autre, ils vont perdre un talent. T'en penses quoi? Moi, je verrais un duo les deux ensemble. Je pense que ça serait solide. Ben, je connais pas beaucoup le gars que tu mentionnes, mais bon, comme tu dis, il y a des bons professeurs. Donc, ben écoute, je dirais pas non. C'est sûr que je suis pas très stat avancé nécessairement, mais comme tu dis, il y a un bon mix entre les deux. Puis Julien, si toi tu parles d'un mix, lui puis Julien Brisebois. Ouais. Je verrais Julien Brisebois faire tout ce qui est comptabilité, négociation de contrat. Ça, c'est la grosse force de Brisebois. C'est un comptable. C'est un nerd de stats puis de négociation, de convention collective. C'est lui qui était à l'époque le spécialiste pour le Canadien de Montréal. Il était DG à Hamilton à l'époque et aussi le gars de convention collective pour le Canadien. C'est lui qui est en mesure, là. Si tu regardes là, les histoires de plafonds salariales puis de contrats chez le Lightning de Tampa Bay, c'est lui qui négocie les ententes. Et s'il y a bien une affaire que le Lightning fait bien, c'est de manœuvrer ses ententes salariales avec ses joueurs. Tu sais, ils ont réussi à signer Steven Stamkos pour 8,5. Même s'il est fragile, même s'il est déjà à 27 ans, même s'il aurait dû faire un passage des pouvoirs, puis garder Drouin à la place, puis monnayer Steven Stamkos, reste qu'à 8,5. On s'entend-tu que dans une ligue où est-ce que t'as des Connor McDavid à 12 millions, Steven Stamkos est en train de devenir un aubaine? Ah, c'est clair, c'est un 10 millions. Puis même quand on parlait de ça, le monde pointait vers le 10 millions. Tu sais, t'as Victor Hedman, là, qui est un candidat, là, à partir de maintenant, c'est un steady candidat honoris pour les 6-7 prochaines années faciles. Il est à 7,8 millions. Béton, là, il pourra pas bouger de là, là. Victor Hedman, son contrat va être l'équivalent de le défenseur Seabrook. C'est-tu lui qui a le contrat vraiment avantageux pour les Hawks? Ça se peut, ou l'ancien contrat de Duncan Keith qui était Nourben, ça aussi. Ouais, c'est là. Ça. Fait que c'est ce genre d'entente-là qui font qu'une équipe peut demeurer compétitive parce qu'ils ont été en mesure d'avoir des aubaines ici et là. Le contrat de Max Pacioretty en ce moment est une aubaine pour le Canadien. Ça le sera plus bientôt, là, mais en ce moment, il est avantageux à 4,5 pour un marqueur de 40 buts. C'est une aubaine là, pour son club. Pis ben, ça vaut cher sur le marché des transactions. Je suis ça comme ça. On dit ça de même. Mais Julien Brisebois, c'est le gars de convention collective. Fait que je verrais un duo super électrisant. Stratégie hockey, Kyle Dumbass, scouting de talent, autant junior que pro. Puis après ça, t'as l'autre gars en arrière qui va pour les conventions collectives à trouver des passe-passe pour avoir des deals avantageux. Puis négocier à patente. Regarde, moi, je pense que ça pourrait faire un solide duo, là. Ah, c'est sûr. C'est ça que ça prend, des têtes d'hockey, puis On est chanceux, il y en a un qui est québécois dans le lot. En plus. Sinon, peu importe. Ça, c'est un gros bonus. Il y a Donald Cheney qui nous demande, vaut-il mieux avoir un bon gardien et des excellents joueurs ou un excellent gardien qui coûte cher, mais qui lui manque une coupe, avec une équipe ordinaire en avant de lui? Puis là, moi j'ai répondu, hey, c'est cool, on se rend vraiment pas compte de qui tu parles. Fait que je te pose la question, Jerry. Ben écoute, moi c'est pas compliqué, j'échange Price. Ça peut répondre à la question. Même que j'avais... Je pense que j'arrête pas d'y penser depuis un petit bout, là, puis... Il y a beaucoup de rumeurs avec Tavares, ça, justement. Là. Puis c'est pas compliqué. Moi, je fais une offre d'échange direct là. Price Patchery pour Tavares et Ledé ou Dehan, dépendamment de quel qu'il veut nous donner, à la limite. Et je demande un choix de deux. C'est, ou même un choix de premier, parce que c'est pas compliqué. Nous autres, on donne un joueur qui a le contrat en poche, Carey Price. Ils ont pas de goaler. On veut un centre, puis écoute, Lindgren... selon moi, pourrait monter tout de suite. Là. Je sais pas à quel point il pourrait accepter, mais selon moi, c'est une très bonne offre. Ben, mettons, là, tu fais... J'aime ça. Alak contre Price? Non. Non? Mais non, ça, ouais, mais ça te prend un goaler pour là. Là. Lindgren ben, peut pas être ben, numéro 1 dans la Ligue nationale là. Tout de suite. Ouais, OK. Ah, ouais. Mieux voir un bon goaler. Il a toujours bien fait à la date à Montréal. Moi, je suis pas tant d'accord. Mais, tu sais, pour cette notion-là du fait que tu n'as plus de gardien de but. Par contre, il y en pleut des gardiens de but. Il y en chie. Ah, il y a sûrement moyen. Tu as 9 millions de libres. Puis, c'est pas pour rien que j'échange Price dans le deal avec Tavares, parce que le 10 millions que tu donnes à Price, tu vas le donner à Tavares. Exact. Puis, me semble que c'est mieux investi sur un premier centre que sur un gardien de but. On jase. Puis, on peut aller chercher un autre goaler n'importe quand ailleurs. Je suis pas mal sûr. Ben oui. Facile. Facile en plus. Là, imagine ton trio. Tavares au centre, Drouin à gauche avec un Lekkonen ou un Gatchenyuk à droite. Ouais. Puis, t'as un vrai leader là, qui se présente. Là. C'est ça. On jase. On jase solide. J'aime ça, Jerry. J'aime ça. Ah. Faut que ça bouge là, parce que ça marche plus. Ouais. Moi, je te dirais donc, je préfère une excellente équipe avec un gardien de but ordinaire. L'inverse, pour moi, ça fonctionne pas. Comme t'as toujours dit, il y a plein de goalers qui ont gagné la coupe qui sont ordinaires. Holy shit, oui. Corey Crawford, c'est pas une élite là. Juste ça comme ça. Non, en plus. Autre question du public. Jean-Michel Briand nous demande, est-ce que Stephen Waite est toujours la bonne personne pour les gardiens de but du Canadien? Ben... J'ai de la misère à évaluer ça, parce que oui, Price a un début de saison ordinaire, mais en même temps, là, c'est-tu tant que ça, Price, ou si c'est la défensive qui est plus capable de rien faire en avant de lui? Fais juste regarder, là, le duo de Holzner puis Petry, là. C'est ordinaire en bâtin, ça. C'est 10 millions dans le feu, ça, là. Pas mal, tous les défenseurs sont moyens. Là. Je veux dire, le seul qui ressort vraiment du lot, c'est Mettry, parce que même Weber, des fois, j'ai le feeling qu'il est moins bon. Hein. Puis tu sais, Mettry, il y a une passe en 6 games, puis il y a moins 4. Ouais. Disons que le club au grand complet de la misère, là. Mais oui, tu sais, la défensive... au complet, ou presque, là, tu peux mettre ça dans le feu. Là. Mais on va y revenir, là, le rapport talent-salaire. Là. Mais ce duo-là, Petry-Osner, c'est incroyable, ça n'a pas de bon sens. C'est gaspiller du cash pour tellement rien. Là. Ça n'a pas de bon sens. Je reviens pas encore. Puis je ramène Éric Bélanger dans le lot. Puis je trouvais ça dommage que Martin Lemay adresse pas le commentaire. Première entrevue après la signature de au début de la saison, là, il demande, tu sais, toi, t'as joué avec Osner? Puis il dit, ben, tu sais, c'est un bon défenseur, mais pas à 4,6 millions pour 6 ans. Là, ça n'a pas de bon sens. Dans 3 ans, ils vont le racheter. On n'avait pas commencé la saison à ce moment-là, là. Ça, c'est le marché là, aussi qui dégringole. Là, ça n'a pas de bon sens. C'est plate à dire, mais Osner, c'était probablement le meilleur défenseur disponible sur le marché du joueur autonome. Oui. Donc, oui, mais... facilement 1,5 million ou 2 de plus que ce qu'il vaut vraiment. Mais t'aurais pas, normalement, là, tu devrais pas avoir besoin de patcher un rôle aussi important sur le marché des joueurs autonomes. Ah non, c'est, je suis totalement d'accord avec toi. Et là, tu sais, on jase. Là, la perte de Radulov, là, et qui fait pas si bien que ça que les Stars, là, mais ça, c'est une autre histoire. Là. L'an passé, là, c'est le métier de cette année. Là. C'est un beau hasard. On a pris un guess, ça a fonctionné. Semin l'année d'avant, ça avait pas marché. Là, c'est Emski cette année, ça marche pas. Tu sais, c'est des guests tout le temps pour des postes hyper importants. Sans oublier Strait aussi. Oui, le Canadien de Montréal, pour son défenseur numéro 2, prend un guest avec David Schlemko. Voyons. Qui se fait opérer à la main. Hein. Oui, c'est ça qui va être absent un autre 3-4 semaines. Là. Fait que le sauveur, attendez-les. Là, je comprends pas que tu mettes des positions aussi névralgiques dans une équipe en jeu sur des guests. Ça devrait pas arriver. À moins de force majeure, là. Ça devrait pas arriver, ça. Ben, il y a aucune vision. C'est une belle improvisation. Si tu prends juste des guests, t'as aucune vision. Tu peux pas. C'est juste... Ce que ça commence à faire, le bourré. Jean-Michel qui continue en disant « Commentaire sur l'écroulement de la dev du CA. » C'est pas mal ça. C'est de l'improvisation. Et notre super Schlemko, ben, on peut même pas évaluer. T'sais, il a bien fait là, son match dans la Ligue américaine, mais c'est la Ligue américaine. Ma grand-mère fait bien dans cette ligue-là. Mais David Schlemko, qui est un NHLer, là, il a brûlé... Il a pas sa place dans la Ligue américaine, mais qui demeure, grosso modo, un 5-6e défenseur sans plus. Ouais. T'sais, parlons de la défensive du Canadien, parce que là, on est sur le sujet. Jody Benn, là. Oh. On l'a protégé, lui. Ça a l'air. OK. C'est bon, parce que je comprends pas. Je comprends pas que le Canadien de Montréal. Je le sais là, que Beaulieu est pas le gars qui a le plus de fans dans l'assistance. Là. Mais Beaulieu aurait-il fait pire que Ben sa troisième paire cette année? Je pense pas, là. Ben, il aurait probablement été meilleur, là. Il aurait été plus mobile, aurait été capable de générer au moins sa part de points sur le tableau. Puis on a échangé Beaulieu pour 7% de probabilité d'avoir un joueur de la Ligue nationale. Ça, c'est un article de Martin Leclerc qui date de 2-3 ans. Il faisait le recensement de 10 ans de repêchage, puis il calculait le pourcentage de taux de réussite d'un joueur qui allait s'établir un superstar, puis un gars de passage dans la Ligue nationale. Puis, tu sais, dans la première ronde, c'était autour de 50%. C'est une chance sur deux d'avoir un joueur qui va jouer dans la Ligue nationale de manière régulière, qui va avoir un impact correct sur ton club, voire plus. En deuxième ronde, tu tombes à 25. Puis à partir de la troisième jusqu'à la septième ronde, là, c'est grosso modo du 7 à 4%. Là. Fait que le Canadien de Montréal a échangé un défenseur Ligue nationale, oui, qui fait des bourdes, mais qui en mettait 30 points au tableau pour pas grand-chose en termes de salaire selon les standards de la Ligue nationale, a échangé ça, là, cette assurance-là d'avoir un défenseur Ligue nationale pour une probabilité de 7%. C'est un guess, j'imagine. C'est un guess. Tout ça parce que sinon, on aurait eu trop de défenseurs. On ne pouvait pas tous les protéger. Et Jordy Benn avait bien fait en 14 matchs. Voyons. Je ne comprends pas ce calcul-là. Au début, je disais souvent que Benn était meilleur à droite. Que c'était probablement ça. Mais là, je pense que c'est vraiment juste un problème d'exécution. Il y a quelque chose qui fait... Je dirais, à droite ou à gauche, il se débarrasse de la puck, il est moins efficace défensivement. Je veux dire, que tu sois à droite ou à gauche, ou que tu checkes un goal. Fait qu'on s'entend que ça change pas grand-chose. Combien de buts qu'il se fait pogner? Il pitche la rondelle par la baie vitrée parce qu'il est pas capable d'avoir assez de vision. Il a pas la vitesse pour se donner du temps pour voir le jeu potentiel. Fait qu'il a pitch par la fenêtre. Elle fait un rebond weird, elle revient ses palettes, sur la palette des attaquants à ligne bleue. des attaquants de l'autre équipe, puis eux autres, full momentum, rentrent dans zone, le contournent, puis ah ouais, merci, bonsoir, t'as un 2 contre 1 facile. Ça, en plus, ça n'aide pas les attaquants. Là. Ben non, tu l'auras jamais sur la palette par une manœuvre comme celle-là. Là. Mm. Maudit que je m'en ai de Souban. Hein? Il n'y avait pas de jeu avec une passe, il l'amenait, lui. Ouais. Ouais, moi aussi, je m'ennuie. D'ailleurs, en ce moment, il est le meilleur pointeur de la défensive à Nashville. On joue ça de même. Ouais, tu dis ça de même. J'ai tombé sur cette stat-là là, de même. mais la défensive du CH, moi, je suis pas trop surpris. Pour vrai, j'avais pas de grandes attentes. Là. Je vais aller retontir sur le Piqué Subban Tracker, là, voir. Ah, Piqué Subban, 7 points, 1 but 6 passes en 6 matchs, donc plus d'un point par match, plus 1. Et Shea Weber est en 7 matchs, 1 but, 1 passe, 2 points, moins 3. Donc c'est ça, on jase. Ah. Ensuite, Pierre-Olivier Doucette, le prince de Robertval, nous demande les surprises dans la NHL jusqu'à présent. Lui, il soulève Vegas, les Devils, du côté positif, et les Rangers et le Canadien du côté négatif. Ben, je pense que c'est pas mal toutes les mêmes surprises. On s'entend que... Ben moi, je mettrais même pas le Canadien dans les surprises. Ouais, non, pas tant, là, mais puisqu'on s'attendait à ce que ça ne soit pas intensément positif. Ben, tu sais, Vegas, je pense que tout le monde peut être d'accord. Je m'attendais, moi non plus, je m'attendais pas à ce qu'il en gagne autant par temps, même que George McPhee doit être un peu sous le choc. Mais tu sais, je trouve qu'il est quand même, honnêtement, check sur le papier, puis j'ai quasiment le feeling que Vegas sont déjà un meilleur club que le Canadien, ce qui est pas tant normal. Puis tu sais, faut pas. L'ajout de Malcolm Subban dans un but, là, c'est quand même un bon prospect. Là. C'est un goaler qui était en première ronde. S'établissait pas à Boston. Je sais pas à quel point ça marchait pas bien, mais là-bas, tu sais, je veux dire, c'était peut-être juste pas la bonne place. Puis chaque premier game qu'il joue contre Boston, peut-être qu'il y avait une petite motivation supplémentaire, mais il a juste accordé un but, c'est sa première victoire. Puis on va se dire que Malcolm Subban, selon moi, c'est le gardien d'avenir de Vegas. Parce que Fleury, ça restera pas aussi longtemps. Les Devils, oui, c'est une surprise, mais sur papier, il y a tellement de nouveaux noms, il y a tellement de jeunesse qui sent, tu sais, Jesper Bratt, là, c'est quelqu'un qui savait c'était qui, là, puis qui savait qu'elle allait faire autant de points en partant. J'ai le feeling que je te crée pas, là. Le visage des Devils commence à changer, puis ça, c'est vraiment intéressant. Puis c'est ça qui est le fun aussi, parce qu'il y a des nouvelles équipes qui prennent plus de place. Honnêtement, je vais être, moi, avec ces deux surprises positives-là, je vais être totalement en accord. J'imagine que toi, t'as tes surprises dans le positif aussi qui peuvent être semblables ou carrément différentes. Ben, Vega, je suis content. Je suis content de voir cette histoire-là, Cendrillon, la mayonnaise qui pogne, là, qui lève. Là, j'aime ça. Ouais. Sinon, en termes de trucs positifs, tu sais, c'est pas mal ça, là. Il n'y a pas tant de surprises que ça. Côté négatif, moi, je te dirais les Oilers d'Edmonton qui sont, qui sont en dernier. En même temps, ils ont moins de matchs que le Canadien de jouer, fait que ils ont eu moins de chances d'avoir des points. Là. Mais ça va se replacer. Tu te dis, il y a le talent qui est là. C'est juste que tu sais ça n'a pas pogné encore. Il y a quelque chose. Mais le Canadien de Montréal, objectivement, il manque des morceaux. Là. Ouais, c'est ça. Mais aussi avec les Oilers, il faut pas oublier qu'il y a un certain Leon Draisaitl qui est blessé, qui va revenir bientôt. Qui c'est qui faisait la pluie de beau temps l'année passée? Le duo. McDavid, Draisaitl. Tu sais, fait que s'il y en a un des deux qui fonctionne, qui est pas là, en fait, peut-être que ça l'aide pas aussi. C'est sûr que c'est plate quand c'est un joueur qui te fait autant mal, là, mais je sais pas, peut-être que ça a juste mal pogné en partant la saison. Qu'être nouveau aussi, ça. Je sais pas, hein, mais. D'après moi, ils ont plus de chances que de se replacer que Montréal. On va se le dire. Mais moi, tous les Oilers, c'était l'un de mes déceptions. Je comprends juste même pas ce qui se passe là-bas. C'est wow. Juste wow. Ce que je comprends pas. Hey, je m'amuse. Là. Je veux du fun. Là. Je suis entré pendant que tu jasais. Je regardais des stats. Je regardais Jonathan Drouin qui est à moins 4 en ce moment. Oui, il y a 5 points, 2 buts, 3 passes en 7 matchs. C'est le meilleur pointeur du club. Mais au cercle de mise en jeu, là, il est à 43,1%. Tu veux un shot, oui, parler de ça? Je sais pas, hein? Non, pas en tout. Puis honnêtement, je l'avais dans mes sujets. Puis Alex Galchenyuk, l'an passé, était à 42,7%. On parle de 0,4% de réussite de différence. Là. Ah! Je suis tellement content que t'en parles pour vrai, parce que... Y a-tu un petit effet de « Ah, oh, c'est un Québécois, il est nouveau dans la place, fait que on pardonne plus? » Je sais pas, peut-être. Je sais pas, hein? Non, bon, on n'est pas de même. Nous, en tout cas, okay. À Québec, non. Jamais. Ça n'a aucun rapport. Voyons donc. On est de some shops. C'est tout. Ah, l'ironie. Mathieu Saint-Laurent qui nous dit « Le rêve d'une 25e Coupe Stanley dans un avenir proche, mythe ou réalité? » Écoute, on va aller sec, là. Mythe. Oui, moi je dirais même mythe, là, tu sais, la bibitte. Elle est en train de gruger les bas, puis ça perd cette affaire-là. Là. D'après moi, la 25e Coupe Stanley, là, un mec mort. Ça va juste des patins volants. Avec des bâtons lasers. Avec des petits rockets, vous en faites de même. Ouais. Nicolas Desrosiers qui dit « Doit-on penser à une restructuration complète autant dans l'administratif l'administration que dans l'effectif? » Donc, une reconstruction en visant également un très haut choix au repêchage vu la qualité de la prochaine cohorte au draft. Parce qu'on parle d'une année, semble-t-il, assez incroyable en termes de talent, du standard là, de l'année 2004. Qui a permis de repêcher des gars comme Pacioretty, Subban, Degetslav. Tout le monde a joué là, dans cette cuvée-là. Là. Ça n'avait pas de bon sens. On parle d'une cuvée semblable cette année. Ben, oui. En fait, si je t'avais écrit ça là, pas long, je me demande si Bergevin fait pas ça. Genre. Lui, il se dit, moi, j'ai 9 millions. Je le dépense pas. Je vais aller le plus loin possible en bas. Le monde s'en doutera pas. À la limite, tout le monde va m'haïr. C'était pour ça que Jeff Monson aussi donne un vote de... Tu sais, genre le vote de confiance. Ouais. Qui peut être aussi le vote de confiance de la mort, mais bon. Tu sais, les Canadiens sont pas réputés pour leur transparence, là. On va se le dire. Fait je me dis, c'est soit qu'il y a une vision qui se dit, regarde, de la merde, ça marchera pas, il y a quelque chose qui marche pas. Faut que j'aille chercher... quelque chose de vraiment haut. Puis je sais que Rasmus Dahlin, que on entend, en tout cas, moi, je vois juste lui dernièrement sur Facebook. Tu en avais parlé, je pense, le deux shows ou le show dernier. Ouais, semble-t-il un talent générationnel, mais pour les défenseurs. Ben, puis regarde, est-ce que ça tombe bien? Je suis pas mal sûr qu'on a besoin. Bon, puis Weber va finir plus vite qu'on pense, fait que ça serait le moment, tu sais. T'as ton attaque, Joe Drouin, Galchenyuk, Lekkonen. Je pense que tu peux construire là-dessus. Si tu vas chercher un Rasmus Dahlin en défensive avec un Victor Mété qui, s'il continue à bien aller, tant mieux. S'il est logique, c'est ce qu'il fait et il ne le dit pas. Puis c'est juste poche parce que tu fais ça 5 ans après avoir entré en poste. Puis bah, bref, ça scape un peu ce que tu as fait avant. Tu sais. Mais s'il fallait que Bergevin soit démis de ses fonctions là, je pense que son successeur aurait un moins beau club que quand Marc Bergevin est arrivé. Ouais, ça c'est sûr. Je suis pas de là à dire que c'est un Réjean Houle. Pas de là à dire que ses transactions, c'est de la maudite boîte. Toutes, là, mettons. Là. Ben, mais je pense qu'il y a une transaction de bonne sur 3 mauvaises. OK, faisons un petit exercice. J'ai l'alignement avant de moi là, du Canadien de Montréal. Je vais ouvrir le cap friendly en plus. On jason, OK? Je te nomme les noms, je te dis le montant de salaire, tu me dis si c'est un bon ou un mauvais contrat. OK? Shit. On va faire le calcul. Je vais même ouvrir un Excel, tu vas voir. Ça va peut-être me juger, par exemple. C'est pas grave. Puis moi, je vais donner mon impression aussi. OK? Je vais faire une coche bon, je vais faire une coche mauvais, puis on va calculer combien de contrats qui sont bons puis mauvais. OK? Tomáš Plekanec, 2 ans, 6 millions. Mauvais. Bon, on est pas mal d'accord. On est à 2. Mais lui, au moins, il finit à la fin de l'année. Oui, mais est-ce que le contrat est bon? Non. Non. Jonathan Drouin, 5,5. Oui. C'est bon. Ben oui, moi aussi. Ça va être une aubaine dans pas long. On est d'accord. Alex Galchenyuk, 3 ans, 4.9. Il est correct. Ouais, faudrait mettre une colonne correcte. Hein. Ok, ouais. On m'a rajouté une colonne correcte. Codice. Correct. Ok, bon. On est à deux aussi là. Mais je pense que le Canadien ont forcé pas mal fort pour le scraper. Là. Fait que c'est un peu de leur faute. Max Pacioretty, 4.5. C'est correct. Ben, moi, je te dirais que c'est oui. Bon. C'est le prochain contrat qui est le problème. Ouais, c'est ça. Bon. Andrew Shaw, 3.9. Mauvais. Mauvais. Mais écoute, on est pas mal d'accord jusqu'à date, là. Brendan Gallagher, 3.75. C'était bon avant ses mains scrap. Donc, c'est rendu mauvais? Ouais. Bon, on est à mauvais. Torrey Mitchell, 1.2. Bon, ça, c'est du change de masse salariale. Fait que, c'est un contrat correct, là. Mais, tu sais, il pourrait ne pas jouer aussi. Fait que, d'un sens, ça devient un mauvais. Mais, c'est un correct. On va y aller avec un correct, on va être gentil. OK. Toi, tu donnes un correct. Moi, je dis. Ah, moi, je vais mettre correct aussi, là. Je m'astinerai pas pour Torrey Mitchell, là. Mais c'est pour ça que je te dis que c'est du change de masse salariale, tu sais. Paul Byron, 1.2. Ah, oh, il est bon. Ça, c'est bon. Moi, je trouve ça un bon contrat. Ouais. OK. On aime ça. Alex Emski, 1 million. Ben, bof, non. Je le mettrai au balotage. Fait qu'en partant, tu vois que t'aurais pu garder ce million-là pour avoir 10 millions, ça amasse. Dano, 0.9 millions. Bon, ben lui, il faut qu'il signe à la fin de l'année, bon. Hey, cette année, là, ordinaire, là. Ouais, c'est mais peut-être un des pires joueurs par rapport à la drop de niveau là, par rapport à l'an passé. Là, c'est peut-être le pire. Non, c'est. Ouais, c'est moyen. Moi, je dirais quand même. Ouais, contre quand même. Arturi Lekkonen, 0.8, ça, c'est un bon. Ben oui, c'est sûr. On est d'accord les deux. Jacob Delarose, 0.75. Du change de ma salariale, contre correct. Là. Correct, ok. Ben écoute, jusqu'à date, on est pas mal d'accord. Udon, 0.6. Ouais, ça c'est bon. C'est bon. Ok, Shea Weber. Ouais, mais c'est bon. 8 millions, mais il compte, c'est... là. Oui, je sais, c'est pas un bon contrat, honnêtement, mais en même temps, c'est pas Bergevin qui l'a donné. Je sais qu'il a été cherché. Ben oui. Ok, mais tu mets 9 millions à Subban. C'est un bon contrat ou c'est pas un bon contrat? Ben, est-ce que Subban offre des meilleures performances que Weber? Oui, mais à la base, c'est pas un bon contrat. Parce qu'il aurait pu le signer moins cher avant pour plus longtemps. Oui, ok. Ben, imagine Subban avec un vrai contrat, pas de bridge, qui aurait été probablement autour de 6 millions versus le 8 à Weber. Là. Oui, effectivement. Donc, Weber, c'est pas un bon contrat, mais c'est pas de la faute à. Ben, il était cherché. Fait que moi, je le calcule comme un mauvais pour lui. Toi, veux-tu mettre correct? Veux-tu mettre bon? Veux-tu... Ben moi, je dis que c'est un correct parce que c'est pas de sa faute, puis il a baissé quand même. Il a changé un 9 pour un 8. OK. Bon, ben écoute, moi, je mets un mauvais en raison de tout ça. Jeff Petrie, 5.5. Mauvais, mais c'est le marché. Non. Mais c'est le marché pareil. Carl Osner, 4.6. Mauvais. Mais c'est le marché encore. Ben oui. Le pire, c'est que j'aime pas cette réponse. Ben oui. David Schlemko, 2.1. Écoute, ouais, il a pas joué encore, puis c'est 3 ans de contrat. C'est ben trop cher pour un 6, 5, 6, 7. Hein? Moi, je vais mettre correct parce qu'on l'a pas vu, mais pas dans un rôle de deuxième défenseur. Là. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Mais c'est pas un bon contrat. Ben, c'est du petit change. 1.4 pour Davidson. On prenait pas l'avoir. C'est mauvais? Ouais, mauvais. Jordy Ben, 1.1. Ben non, là c'est dans un bain, c'est du change correct, là, mais il fait rien. Ben moi je vais le mettre mauvais parce qu'il a causé le. Ben à cause de sa protection. Ouais, il est mauvais. Bon. Fait qu'on est deux à mauvais? Ouais. OK. Métis, ça c'est bon, là. C'est .75. Fait que c'est bon aussi, ça. Ben oui. Attends, je vais le mettre dans la bonne colonne. Joe Morrow, 0.5. 0.6, en fait. Même à 0.6, je trouve que c'est un mauvais contrat. Il fait rien. Il est mauvais. Puis même s'il est jeune, ce gars-là, Claude Julien, d'après moi, il l'aimait un peu trop. C'est pour ça qu'il a signé à Montréal. Possible. Carey Price. Et là, je vais faire la seule entorse dans notre jeu jusqu'à maintenant. Je vais dire son 10.5 et non pas son 6.5. Ben, c'est sûr. C'est ça qui va être payé. Donc, bon ou mauvais? Mauvais. J'aurais jamais signé Carey Price à 10.5. Je le sais que c'est ça qui vaut. Je le sais que la convention collective fait probablement, parce que c'est vrai que l'association des joueurs, faut qu'il donne son, pas son veto, mais qu'il approuve le contrat qui va être donné aux joueurs. Ouais, il y a un approval, oui. Ouais, ben c'est ça. Fait que tu sais, je veux dire, d'après moi, tu peux pas aller en bas de ça, là. Ben. C'est... Ben, t'aurais été à 9 millions, ça aurait été mauvais pareil. C'est ouais. Trop pour un gardien de but. C'est trop, c'est un septième de ta masse salariale, c'est trop. Et dernier joueur dans l'alignement, Al Montoya à 1 million. Mauvais. Mauvais. Et donc, morale de l'histoire. Beaucoup de mauvais contrats. Il y a facilement le deux tiers qui sont mauvais. Là. On a 24 votes. Fait que 12 joueurs qu'on considère que c'est des mauvais contrats. Hey, c'est la moitié. On a 10 corrects. Et on a 10 divisé par 2, là, c'est 5 joueurs corrects. Et on a 6 joueurs. Donc un total de 12 points là, pour les bons contrats. Fait que correct à bon, t'as la moitié de ton club, puis les mauvais, t'as l'autre moitié. Ouais. Hein? Je pense que je vais profiter de ça, là, ce petit travail-là pour y aller. J'ai eu une discussion via le compte de la POC avec Nicolas Desrosiers cette semaine. Super discussion, c'était très cool. Et je me suis permis de m'étaler par rapport à moi, mon impression sur la gestion du hockey. Par rapport à ce que Marc Bergevin fait et ce que la Ligue nationale, comment est-ce que ça devrait être géré. J'ai déjà fait le comparable. Là, c'est, dans le fond, c'est une business. C'est comme du café. Si le monde, il trippe sur le mocha, fais du mocha. Si il trippe sur d'autres choses, fais d'autres choses, même si toi, tu trippes sur le mocha. Tu veux faire de l'argent, fais ce que le monde veut. On s'entend là-dessus. Le hockey, là, dans ma tête à moi, là, ça se gagne au 7e étage. OK? Ça se gagne pas sur la glace parce que ce qui décide qu'est-ce qui est sur la glace, c'est le directeur général. Ce qui décide qui sont les dépisteurs, c'est le directeur général. Qui décide c'est qui les scouts pro, c'est le directeur général. C'est qui l'entraîneur, c'est le directeur général qui décide. Et etc., etc., etc. Tout revient à des décisions du directeur général. Donc, toutes les performances de chacun de ces échelons-là revient au directeur général. Si les joueurs ne performent pas sur la glace, c'est la faute au directeur général. Il se devait de faire une bonne évaluation de ses joueurs pour mettre la meilleure formation sur la glace possible. Pour moi, l'équation, elle est simple. Okay? Un joueur, là, c'est talent divisé par salaire. Prenons, je vais prendre un exemple assez simple. Okay? Avant, je vais expliquer le concept, puis après ça, je vais y aller avec l'exemple. On a deux certitudes dans la Ligue nationale. Okay? Toutes les équipes sont limitées et gérées par ces deux certitudes-là. Okay? La première certitude, c'est qu'il y a 23 places dans le roster. L'autre certitude, c'est le 75 millions de dollars disponibles sur le plafond salarial. Ça, les 31 clubs de la Ligue nationale ont ces deux barèmes-là. Ce que tu dois donc réussir à faire dans ce 23-là de spot, là, de place, et ce 75 millions de dollars-là de disponible, c'est de mettre un maximum de talents et chacun de ces talents-là pour un minimum de salaire. C'est là que les jeunes dans la Ligue nationale sont intéressants. Parce qu'ils vont t'offrir des performances semblables, parfois moins, parfois au-dessus de ce qu'un vétéran va te demander, mais avec un prix moindre. Le rapport qualité-prix est très, très souvent plus avantageux avec les jeunes. Le gros problème chez les dirigeants de la Ligue nationale, c'est qu'on préfère accepter les erreurs d'un vétéran qui coûte cher plutôt que les erreurs d'un kid qui lui coûte pas cher. Je vais donner un exemple très flagrant qu'on a connu chez le Canadien de Montréal. Tu vas me dire, là, Jerry, si tu es d'accord ou non, si tu penses que ça fait du sens comme comparaison. L'an passé, on avait deux défenseurs avec un style semblable. Nathan Beaulieu, Jeff Petrie. Les deux, l'an passé, ont fait 28 points. Beaulieu a terminé la saison avec un différentiel de plus 8. Alors que Petrie, avec un différentiel de plus 4. Devant les mêmes gardiens de but, avec les mêmes coéquipiers, avec le, c'est la même formation. Fait qu'on parle d'une situation qui est, selon moi, très comparable. Mettons qu'on dit que notre valeur étalon, là, notre référent, c'est Jeff Petrie. Jeff Petrie égale 100% de la performance d'un défenseur. Pour moi, Beaulieu, grosso modo, c'est à peu près 80% des performances d'un Petrie. Puis peut-être même plus, là, mais on va mettre ça rond de même. Là. C'est 80%. Jeff Petrie gagne 5,5 millions de dollars. L'an passé, Beaulieu en gagnait 1. Ce qui veut dire que Beaulieu prenait 18% du salaire de Petrie pour donner 80% des performances. Ce qui veut dire que le 20% qui manque de performance pour atteindre un 100% de Jeff Petrie, dans notre exemple, qui est notre valeur étalon, ben il te reste 4,5 millions de dollars en salaire pour aller le chercher, ce talent-là. Cette performance-là de 20% qui te manque. Ouais. Ben écoute, pour vrai, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais en même temps, ça, c'est, selon moi, un... Tout ce qui est là, tout ce que tu viens de dire là, c'est parfait pour une vision papier de la chose. Parce que je sais que t'es très stats, t'es très... puis je suis totalement d'accord avec toi dans le fait que Beaulieu, si tu compares salaire pour salaire, Beaulieu est vraiment supérieur à ce que Petrie a offert l'année passée. Parce que Denis a perdu le même rendement pour beaucoup, mais beaucoup moins cher. Seule chose, c'est que comme je te dis, moi j'ai l'impression que cette conversation-là peut juste être, avoir lieu sur du papier. Parce que Beaulieu, on le sait, c'est pas un enfant de cœur. Il y a probablement plein de monde qui l'aimait pas dans le club. Puis même s'il est bien bon, puis qu'il y a du talent, puis tout, tu peux pas nécessairement garder un joueur comme ça dans la chambre parce que, veux pas, tu vas créer genre un... Comment je peux dire? C'est clair que ça crée de la merde dans une chambre. Puis c'est plate à dire, mais t'as besoin que les gars soient quand même ensemble. Même si tu montrais ton club avec genre, regarde, je prends du talent, je me fous de ce que vous pensez des uns des autres, je mets les meilleurs joueurs papier sur la glace, ça peut marcher comme ça ne peut, si ça peut ne pas marcher. Beaulieu s'est fait sortir pour son attitude. Je pense que pas juste les DG qui c'est pas juste le DG en tant que tel qui a pas aimé ça. Il y a souvent des joueurs qui l'aimaient pas, puis Petrie, c'est plate à dire, mais c'est un gars qui est drette. Il y a une famille. Puis là, okay, de mon côté, il est drette, mais est-ce que le club performe mieux avec Petrie? Non, c'est ça, je t'ai dit. Donc, dans le sens que... je veux bien que tu mettes une portion de l'équation sur le caractère puis le style. Puis là, on donne l'exemple Beaulieu-Petrie, mais j'aurais pu donner bien d'autres exemples. Mais à un moment donné, le fait d'être peigné sur le côté, tu sais, il n'y a pas plus peigné sur le côté que Max Pacioretty. Puis on s'entend-tu qu'en ce moment, puis il le sait, là. Oh ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Il est zéro en train d'aider son club, là, en ce moment. Ouais, mais Pacioretty, c'est autre chose. Puis comment je pourrais dire, on dirait qu'il faudrait fusionner genre Beaulieu puis Petrie pour donner un bon défenseur. Ça prend un peu des deux. Genre, je dis pas qu'il faut être drette à ce point-là. Puis encore là, c'est notre vision à nous. Là. C'est pour ça que j'ai toujours dit que s'il faudrait qu'on dirige une équipe, ça prendrait un peu de nous deux, genre, dans le sens que nos deux styles, nos deux manières de penser, tu sais. Non, je veux juste de moi. Non, mais c'est plate à dire, mais faut vraiment le prendre en compte. Puis, veux pas, ben beau que les deux joueurs sont pareils, c'est sûr. Puis, de toute façon, en même temps, pas dans ce cas-là parce qu'il a mal géré le dossier, mais si t'échanges un des deux, qui est le plus attirant? Bien évidemment, c'est Beaulieu. Il coûte moins cher. Ben non, c'est ça, parce que les autres DG sont dans ce mauvais paradigme-là de dire pas qu'un vétéran, ben j'aurais, ben écoute, est-ce que le Canadien aurait eu plus qu'un troisième choix repêchage pour Petrie? Je pense que oui. Parce que oui, ben ça c'est sûr, mais il y avait le contrat. Beaulieu finit sa fin de l'année, même s'il était restricted. Il était-tu restricted? Oui. OK. Même avec une restriction, je veux dire, c'est clair que ce gars-là, la réputation le suit, ça doit... Je veux dire, on s'entend, hein? Tout le monde regarde la TV, là. Probablement qu'ils l'ont vu dire que du haut de la passerelle, il n'a rien appris, tu sais. Veux pas, je pense que juste ça a fait baisser sa valeur. Là. Oui, mais c'est parce que là, tu t'accroches sur le fait que c'est Beaulieu puis sur le caractère, mais... Ah oui, non, mais ça aurait pu être n'importe qui d'autre. La théorie est la même pour toutes les autres, puis ça amène... Ça fait en sorte qu'il y a même des joueurs de grand talent là, que tu dis sont pas avantageux pour leur club en raison de l'espace qu'ils prennent sur le plafond salarial. Prenons l'exemple de Connor McDavid. Jusqu'à quel point c'est plus avantageux d'avoir Connor McDavid à 12,5 millions de dollars versus Crosby à 8,7? C'est la même marge de manœuvre salariale que les DG ont des deux équipes qui ont ces joueurs-là. Et une a à peu près, mettons aujourd'hui, là, 90% du talent là, de Crosby a le 90% du salaire, pas du salaire, mais du talent de McDavid. Pour presque la moitié moins de salaire. C'est clair que c'est plus avantageux pour son club. Ça permet de l'encadrer, ça permet de mettre d'autres joueurs alentour pour venir maximiser le talent possible avec le 75 millions de dollars sur le plafond salarial. Fait que toi, dans le fond, présentement, avec les contrats en main, tu fais McDavid pour Crosby. Si je considère l'aspect financier comme... Oui. Même si tu sais que tu vas l'avoir moins longtemps. Même si je le sais que je vais l'avoir moins longtemps. Puis je fais pas... C'est pas une transaction talent-talent, là. C'est transaction comptable, talent et toute la patente. Ben, t'échanges le top 1 pour le top 2. Oui, c'est ça. On s'entend, là. T'es pas... C'est l'un des meilleurs comparables que tu peux avoir en ce moment, c'est ça. Parce que les deux... Se chevauche côté talent vont être dans le top 2 pour probablement jusqu'à ce que Crosby finisse par comme vraiment baisser dans sa production. Fait que c'est probablement un des meilleurs. Je pense que c'est le meilleur barème que tu peux avoir. Ok, ben moi je le ferais pas, mais. Parce que tu te fies juste au talent brut d'un individu. Mais faut que tu le mettes dans l'ensemble du casse-tête. Qu'il soit plus jeune ou non, l'équation demeure la même. C'est que le pourcentage qu'il prend sur le plafond t'empêche de mettre d'autres talents alentour. Ouais, ben, on pourrait prendre aussi, mettons, le truc que j'ai dit au dernier show. Tu t'échanges Stamkos puis tu gardes Drouin. Oui. Ça aurait pu être ça. Tout à fait, parce que Drouin t'offre, écoute, c'est pas loin de 90% des performances de Stamkos pour presque moitié moins de salaire. C'est pas mal plus avantageux. Et en plus, c'est que malgré le plus gros salaire en poche, Steven Stamkos, dans une transaction, rapporterait plus que Drouin. Pas mal. Tu sais, Drouin, ça a amené Sergachev. Mets Stamkos sur le plancher, là, sur le marketplace, là. Puis tu vas avoir Sergachev, probablement un premier pick, puis un jeune attaquant qui a de l'allure. T'es bien plus avancé de faire ça, mais les formations de la Ligue nationale ne pensent pas de cette façon-là. Combien de fois j'ai parlé de la situation de Ben Bishop avec Tampa Bay, ils ont attendu de plus avoir de marge de manœuvre, de pouvoir de négociation pour s'en départir. Ils n'ont rien eu pour. Fallait qu'ils maximisent ce départ-là. Le Canadien de Montréal, avant d'avoir un gardien de but à 10,5 millions de dollars à l'âge de 30 ans, qui va avoir des performances qui vont aller en diminuant, parce que inévitablement les performances vont aller en diminuant. Puis c'est impossible que Carey Price augmente ses performances de 40% là, avec son augmentation de salaire. C'est impossible. Il ne sera pas 40% meilleur. S'il fallait qu'il soit 40% meilleur, il irait faire des one-timers dans la zone offensive puis il en mettrait 30 dans le but. Là. Donc, il aurait 60 par année. Tu sais, en plus de faire les arrêts. Là. Ben, il ne peut pas tout faire. C'est impossible. Il peut pas faire 40% plus de performance que l'année d'avant. Ça se peut pas. Ça se peut juste pas. Alors, ce que tu es le plus, ce qui serait le plus avantageux, c'est d'aller chercher l'équivalent en talent en retour de cet élément-là, de ce joueur-là. Mais là, il n'y a plus personne qui va vouloir aller chercher un gardien de but à 10.5 là, dans la Ligue nationale d'aujourd'hui. Ça, vraiment, tu pourrais être surpris. Ben, tu vois, mets Price sur le marché, je suis sûr que tu peux aller chercher quelque chose. OK, mais tu n'aurais pas autant que si tu... À 10.5, tu mets Price sur le marché versus à 6.5, c'est deux univers complètement différents, là. Ben, il reste encore quelques idiots du village. Ouais. On peut s'essayer. On pourrait s'essayer, mais demain matin, là, je te demande un pour un, là. Tu sais, t'es les Maple Leafs, OK? Mets-toi à la place de Lou Lamoriello, là. Marc Bergevin dit « Hey, je te change Carey Price contre Austin Matthews. » Non, mais Mitch Marner, peut-être que oui. Ben oui, mais là, on est rendu l'élément 2, là, le plan B du club. OK, mais je suis les Pingouins. Puis oublie qu'ils ont déjà un gardien de but, là. Mais tu fais-tu Price contre Crosby si t'es les Pingouins? Ben, c'est con, mais je pense que oui. Tu échanges Crosby, tu es les Pingouins, là. Tu échanges Crosby pour Price. Ouais. OK. Parce que t'as Malkin, t'as Kessel, t'en as d'autres en arrière qui sont capables de prendre la place de l'attaquant, puis ton goaler, même si je prends en compte qu'on Matt Murray, Carey Price est selon moi meilleur que Matt Murray. Mais il n'est pas 12 fois meilleur. Mais... Non, ça c'est sûr. Je sais que le club reste dans le même, ils peuvent gagner une autre coupe. Mais avec Carey Price, on dirait que c'est ça, genre contender. Puis c'est obligatoire que c'est eux autres qui gagnent la coupe. Écoute, dans ma tête à moi, tu proposes Carey Price aux Pingouins, ils ne te donnent même pas Malkin, qui est leur deuxième centre. Peut-être pour le contrat, oui. On s'entend qu'il est élite, là, mais dans ma tête à moi, tu ne fais même pas Malkin Price. Ah non. Non. À ce point-là, t'aimes tellement pas Price. Mais non, c'est pas Price que j'aime pas, c'est son contrat. Ouais, mais Malkin, il est quoi, 9 millions? Fait que veux pas, tu regardes ça comme ça, Price te coûte 1 million de plus, c'est tout. Malkin est à 8.7 comme Crosby. Ouais, j'ai arrondi à 9, là. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, je sais pas. Hey, Malkin à Montréal, j'aimerais tout ça. J'en parlais de deux saisons. Ah ouais. Parlant de Nicolas Deslauriers, parce que la discussion était avec lui, il nous demande, doit-on penser à une restructuration complète? Ah non, je l'ai demandé, ça. Oui, effectivement, t'es rendu à Stéphane Galland. Stéphane Galland. Tu es mon maudit. Stéphane Galland qui dit, si vous êtes Jeff Molson, engagez-vous un vice-président opération hockey qui deviendrait le boss à Marc Bergevin ou direct tu le congédies, même s'il lui reste 50 contrats, ou encore vous le gardez et continuez à lui laisser carte blanche. Ce qu'on fait avec Marc Bergevin si on est Jeff Molson? Ben, honnêtement, moi, je vais mettre un petit tampon là-dessus. Là. Bergevin ne se fera pas mettre dehors cette année. Je suis certain, à moins que bon, l'affiche soit 1-29-6, là, on va se dire que là, il y a des chances qu'il soit scrissé dehors. Et il va être trop tard. Puis en même temps, si c'est 1-29-6, il va nous avoir permis d'aller chercher un bon choix. Fait que, je sais même plus, genre, si. Pour vrai, je me pose vraiment la question de savoir si c'est voulu, là. un plan ça me trotte dans la tête. Pour vrai, là, mais en tout cas. Mais non, sinon, moi je mettrais Bergevin dehors, mais genre à la fin de l'année. Je le laisserai voir ce qu'il fait pendant l'année. Puis à la limite, regarde, si ça fait juste nous mettre en bas, pour moi, c'est une bonne chose. Parce que justement, à la limite, tu finis. Si t'aimes pas ce que t'as vu sur le crise dehors, le prochain déjà embarque, reconstruction. Échange pendant ce que tu veux pendant l'été. Va chercher des choix de ronde pendant le draft. À la limite, je m'en fous. Tu sais, pars à la base. Garde tes jeunes. Puis tu sais, un autre DG... Bon, il garde-tu Claude Julien, il garde pas, ça c'est pas bien grave, il fera son équipe à lui, là, on gossera pas avec ça. Mais tu sais, il rentre avec un choix de première ronde qui va être très avantageux, il fait ce qu'il veut avec ça, puis tu sais, t'as Drouin, là. Drouin pour moi c'est la pièce qui te permet de monter un club alentour de ça. Si tu peux aller chercher, exemple, on va prendre Rasmus Dahlin qui est un défenseur talent générationnel, go man, tu vas avoir un très bon attaquant, un très bon défenseur. T'échanges Price ou tu l'échanges pas, rendu là, c'est pas la fin du monde, là, je suis capable de dealer avec. Mais Patchery, tu mets ça dehors, puis à 4,5 millions, c'est sûr que tu peux aller chercher de quoi de bon, on va se le dire. Il y a quelque chose à faire quand même avec ce club-là. Je dis pas qu'il y a une profondeur de fou, je dis pas qu'il y a du stock que tu peux échanger à côté, mais reste quand même que tu peux être attirant pour... mettons, là, on a 9 millions, je pense, oui, de masse. C'est un 6 millions qui se rajoute à ça avec, avec le départ de Plekanec à la fin de l'année. Il semble que t'as du jus pour faire de quoi avec ça. Ben, je le calculais, là. T'as fait une publication par rapport à John Tavares. Puis l'espace sur le cap salarial cette année, là, les Islanders, ils ont 2 millions, les Canadiens en ont 9, Toronto 0, Tampa Bay 2. Parce que tu mettais dans l'eau, mettons là, que t'es Tavares. Là, qui t'accepte de mettre dans les propositions de transaction? Là, le Lightning, Toronto ou Montréal? Puis, tu sais, j'ai présenté le comparable. Là. En 2018, les Islanders ont 33 millions de places de libre sur le plafond pour signer 10 joueurs. Le Canadien a 14 millions pour 6 joueurs, incluant Pacioretty, qui va avoir une hausse de salaire quand même assez considérable. Fait que c'est pas tant que ça. Là. S'il faut en plus que tu rajoutes dans l'équation le salaire de John Tavares qui va osciller autour du 10 millions, ça marche pas, là. Il y a beaucoup de rumeurs qui parlent de 8,5, là, mais pour vrai, je crois pas à ça. Tu sais, le club qui est presque le mieux placé, c'est Toronto. Ils ont 26 millions, mais ils vont avoir des joueurs quand même très importants à les re-signer. Mais il n'y a pas... dans le lot, là, Tampa Bay a 11 millions pour 5 joueurs à re-signer pour le cap space de 2018. Il n'y a aucun de ces clubs-là qui, tant qu'à moi, a vraiment l'espace pour pouvoir aller chercher un Tavares, parce que faut que tu leur signes, puis il va prendre le double de la place de cette année. Mais moi, j'ai mentionné ces trois clubs-là parce que c'est les clubs qui ressortent, puis ça a l'air que c'est les clubs qui aimeraient aller, là, ou peu importe, s'ils ne signent pas avec les Islanders. Mais tu sais, je dirais, dans le but de la publication aussi, c'était le fait que juste montrer aux gens que, tu sais, Montréal, c'est pas. Ça tourne pas autour de Montréal. C'est pas une destination de rêve pour tout le monde. Là. Non, c'est ça. Puis tu sais, je dis pas qu'il viendra pas à Montréal. Ça, c'est sûr que ça reste une des équipes parmi les 31 que dans la ligue. Mais mettons là, que t'es les Islanders, puis quelqu'un veut venir le chercher. C'est sûr que Montréal gagne pas la course là, pour un échange. Là. Sauf s'il donne stop. Puis c'est pour ça que je trouve que ma proposition de transfert est très intéressante. Price, Patchery, Tavares, Lady ou DeHaan, parce que tu vas te chercher un défenseur que tu as besoin. Patchery peut être remplacé très facilement par un Drouin. Tu as un Gatchelin que je crois encore qui est un centre. Tu sais, je veux dire, je trouve qu'à l'attaque, on est plus facile de bouger nos joueurs, tandis que si tu t'amènes un défenseur en Lady ou DeHaan, lui, tu le greffes à une place où qu'on a un besoin. Pour ma part, on peut quand même aller chercher un autre goaler ailleurs. Je veux dire, il y a sûrement moyen de faire quelque chose. Une équipe qui a trop de goalers, mais qui... Peu importe, je suis sûr qu'il y a moyen de faire de quoi. Puis, tu sais, Tavares Price avec le même contrat. Patchery, le contrat n'est pas si gros, ça donne une marge de manœuvre à Gartsnow. Il finit en 2 ans, fait qu'à la limite, il fait bien ce qu'il veut avec. Je trouve que c'est quand même pas si pire comme transaction. Ouais, mais tu sais, au niveau comptable, c'est difficile à rentrer dans l'équation. Mais je veux revenir à la question là, de base. Là. Est-ce qu'on fait reconstruction ou non? Puis comment est-ce qu'on on manœuvre la patente? Là? Encore mon tableur Excel. Là. Je me suis mis la liste des noms. J'ai une colonne oui, j'ai une colonne non. Tu me dis, on trade ou on trade pas. Puis on évalue qu'est-ce que le Canadien peut aller chercher pour, OK? Tomáš Plekanec. À date limite, un choix de 4. Pour un choix de 4? Écoute, moi je pense qu'un Tomáš Plekanec, vu ses qualités défensives pour un club aspirant, un choix de 2, là. Ça peut être intéressant, là. Mais c'est un choix lointain, là. C'est l'équivalent d'un 3, là. Ouais, c'est sûr. Encore là. Jonathan Drouin. On ne l'échange pas. On ne l'échange pas. Alex Galchenyuk. On ne l'échange pas. OK. Max Pacioretty. Oui, on l'échange. OK. Puis lui, on va chercher le pactole. On va chercher quoi, là? Ben, je sais pas. Ça prend un first pick, là. Si tu es en ish reconstruction, ça te prend un first pick, là. Ben, c'est sûr que ça te prend un first pick, puis ça te prend un bon jeune prospect, là. Mais moi, j'appellerais, là, genre, la Caroline. Ouais, mais ils sont pas là. Ça serait de faire un shortcut, puis... C'est clairement pas leur objectif. Par contre, les Rangers? Ben, les Rangers, Calgary, tu sais, des clubs de même, là. Ça peut jaser, là. Un first pick Calgary, là, Sam Bennett, plus un first pick pour Max Pacioretty. Pense pas qu'il dirait non, là. Ça, c'est drôle, parce que pour vrai, là, je m'en allais dire la même affaire que toi. OK. Sam Bennett, un first pick. Sinon, les Rangers, tu peux aller chercher un first pick puis un bon jeune défenseur, là. Mais j'avouerais que pour Max Pacioretty, il faut que tu inclues un attaquant dans le lot parce que tu perds du punch à l'attaque. Là. Ouais, mais si tu vas drafter pour, je sais pas, en tout cas. Ouais, non, ok, oui, ok. Ben, écoute, laissons ça. First pick, top prospect. C'est ça. Ok. Andrew Shaw. Ça, t'as rien pour ça. Ouais, mais tu l'échanges. Ben oui, tu l'échanges, mais tu l'échanges contre quoi? Ben écoute, un pick, un prospect obscur, troisième choix. Mais t'as un quatrième choix. Prospect obscur. J'aime ça. Prospect obscur. J'écris ça, là. C'est bon. On va sortir ça à la fin de l'année. Ouais. Brendan Gallagher. On l'échange. On l'échange. Qu'est-ce qu'on a en retour? Ben, je pense que tu regardes d'aller chercher quand même quelque chose de bon. Moi, je pense qu'un deuxième pick, on est chanceux, là. Ouais. Facile. Deuxième pick, c'est bon. Torrey Mitchell. Mais t'auras rien pour ça, mais tu l'échanges. Tu l'échanges, mais t'as un sac de patates. Ouais, un 6, mettons. Y'a-tu encore des 7? Ah oh, oui, un 7. OK, sixième. Paul Byron, tu gardes ça? Bon, ouais, au prix qui coûte, là. Alex Hemsky. Anyway, il n'y a pas zéro valeur. Tu peux bien l'échanger, là. Mais rien. Considération future. Je veux dire bâton, en vrai. Ouais, c'est ça. Même pas des bâtons, du tape à bâton. Philippe Dano. Moi, je serais tenté à l'échanger, pour vrai. Ah ouais? Ouais. Moi, je l'aurais gardé, mais OK, c'est You're the DJ, OK? Ouais, c'est ça. Mais tu sais, à jeunesse qu'il y a, tu sais, un 2 lointain ou un 3, là. Mais c'est pour ça, moi, je le garderais, parce qu'il est jeune. Il peut. Tu sais, c'est un troisième centre de très bon niveau, là. Moi, c'est parce qu'il me gosse, c'est que c'est, son contrat vient à échéance à la fin de l'année, puis j'ai le feeling qu'il va quand même aller chercher un 3 millions qui sert à rien. Ou... Mais, pas comme un 3 millions à l'Arcelor ou un 3 millions à Dano. Ouais, vu de même. Ben, et un 3 millions pour un troisième centre, aujourd'hui, dans la Ligue nationale, ça fait beaucoup de sens, là. Mais bon, un 6 millions à Plekanec pour le rôle de troisième, là, t'es dans le chenout. Ouais, on va le garder de bord. On le garde, OK. Ensuite, Arturi Lekkonen. Ah oui, on regarde. Tu regardes, OK. Le futur de l'équipe. De la Rose. On trade ça. Ça a l'air qu'il y a une bonne valeur. Si on va en profiter. OK. Genre quoi? Je sais pas. Bon, je pense qu'il y a un choix de 3. Je suis bien content. Ah oui. Choix de 3. Mais ça. OK. Charles Ludon. Où je le regarde. OK. Chez Weber. Ah, il faut pas choisir le motif. Pense reconstruction rapide. Ouais, je l'échange. Il est trop vieux, puis son contrat est gros, puis on peut avoir quoi pour ça, là? Pour ça, j'ai aucun respect. Ça. Ouais, non, c'est ça. Ben, je sais pas, pour vrai, j'ai le feeling qu'on peut quand même avoir de quoi, parce que c'est Shea Weber. Un bon prospect, un joueur quand même établi, puis un choix de deux, mettons. Je demande-tu trop, tu penses? Ben, moi, je préfère miser sur un first pick parce que le pourcentage de réussite est plus avantageux là. Fait, je préfère un first pick puis un prospect moins hot que un. Ben, ouais, ça dépend. C'est parce que quand même que tu remplisses des jerseys là. Ouais, mais tu vas remplir avec des gars de Ligue américaine. Là. Pas de trouble. Là. OK. Ah, au pire, ouais. First pick, bon prospect. First pick, OK. Où est-ce que. Qui en veut? Qui veut de chez Weber? Clairement pas dans l'Ouest parce que ça va ben trop vite. Quoique, tu veux pas l'échanger dans l'Est parce qu'on va le voir trop souvent. OK, dans l'Ouest. Écoute, LA pourrait être intéressé. Edmonton pourrait être... Winnipeg. Ouais, Winnipeg, ils ont quand même une bonne team de jeunes défenseurs. Là. LA, qui ont qui peut être intéressant? Écoute, moi... Camper. Hier, là, Camper, là... Yeah, j'avais le poil qui me retroussait ses bras. Là. Kempe, un choix de premier rang. Kempe, ok, on y va. Jeff Petrie. Bon, on a donné un choix de deux, Paul. Ouais, on a un choix de trois. Mais un choix de deux, ok. Un choix de deux, on retourne sur les investissements. Osner. Moi, je me serais pour un bon prospect. Prospect? Ok. Je m'aventurerais pas à sortir des noms pour de prospects. Non, mais un bon prospect là, qui a la défense qui peut peut-être t'en reprendre dans le top 6 prochainement. Là. Ok, je mets ça, là, mais... T'es pas convaincu. Non, mais c'est parce que je vois... Faudrait que je regarde c'est quoi les options en termes de prospects en défense là, dans la Ligue nationale, puis il y en a une chier, fait que je ferais pas ça là. Là. David Chemko. Un choix de 4. Un choix de 5. On a donné un choix de 5, pauvre. Un choix de 5. Choix de 5. Davidson. Rien. On l'échange, mais on a rien. C'est ça. Ben, écoute, on va avoir un vieux vétéran pour David Dernier. Comme back. Didi. Jody Ben. Pff, rien. Après qu'on a donné une Greg Patterson puis un choix de 4. Un choix de 3, on peut y aller avec ça. Un choix de 3, ok, mettons. Mété, tu le gardes? Ben oui. Price. Non. Price, hey, un deux choix de première ronde. Un bon prospect, là. Puis un prospect établi, là. Qui va donner vétéran des nouveaux prospects. Pour vrai, ça peut être bon, ça. Ah oh, oui. C'est sûr que c'est ça que tu peux aller chercher. Même à 10 millions par année pour le contrat. Ok, qui peut avoir besoin d'un gardien de but dans la Ligue nationale, là? N'importe qui. N'importe Phoenix. Qui. Phoenix. Non, mais... Ils viennent de se débarrasser de... Non, Mike Smith. Ouais, mais là, Mike Smith et Carey Price. Pas pareil. Je te dirais les Islanders. Les Islanders ont besoin d'un gardien. Les Flyers. Les Flyers vont prendre ça, eux autres. Ah, mais ils ont Brian Elliott. Écoute, les Flyers ont deux choix, ont deux choix de première ronde au prochain draft. Le choix de Eusold puis le choix des Blues. On y va pour ça. Ok, on y va pour ça. Puis moi, là, écoute, ma brigade défensive, là, j'aime pas trop ça. Mettons là, qu'on prend un guest là, pour Samuel Morin dans le lot. Là. Je savais que t'allais me dire ça. Hein? Mais c'est un bon. Ouais, on y va pour ça. Je suis pas sûr, mais les deux first pick. Fait que là, en faisant un petit ménage de même, là, on a gardé certains joueurs, on a laissé aller. Les joueurs qu'on se débarrasse, puis là, j'ai même pas mis Montoya, là, mais on va mettre un petit 1, on s'ostinera pas sur ce qu'on va avoir pour. Là. Si c'est un chouette 7, là, on va être content. On a 15 joueurs qu'on est prêt à échanger. Là. Et en ça, retour c'est de. C'est plus que la moitié. C'est plus que la moitié. Et avec tout ça, là, ce qu'on aurait en retour, 1, 2, 3, 4 choix de première ronde, on a trois choix de deuxième ronde. Là, les choix de 3, puis de 4, puis de 5, là, je calcule pas. On ramasse Bennett, on ramasse Kempe, on ramasse Morin en termes de prospects. Je suis pas sûr qu'on est dans le trouble. Là. Mais non, tu refais ton équipe au grand complet. C'est un reset. Là. Pas sûr qu'on est dans le trouble. Sincèrement, là. Tu peux pas être pire une équipe d'expansion rendu là. Non. Mais écoute, moi je rêve en ce moment. J'aime ça, là. J'ai le poil, là. C'est drette, là. Des frissons, même. Ouf. Ça serait le fun, mais ça arrivera pas. Je te casse ta ballonne, même. Ben écoute, Donald Cheney qui nous demande, là, reconstruction pour être dans les bas-fonds quelques saisons, ça vous dit quoi comme Edmonton, Chicago, Pittsburgh? Ben, comme j'ai déjà dit, là, Edmonton a pas tanké. Ils n'étaient pas bons, puis ils ont juste fini par avoir des pics. Chicago non plus. Ils ont manqué série pendant, je pense que c'est 9 ans en ligne, là, avant de devenir bons, avant de pogner les Taze, tu sais, tout ça. Là, c'est 9 ans. Là. C'est pas du tankage. Pittsburgh non plus. Toronto, c'est du tankage. Ils faisaient les playoffs une saison sur deux, visaient la clôture. À un moment donné, ils ont fait, c'est assez, on veut du succès. On liquide les effectifs. Ils ont liquidé des Faneuf, des Kessel. Ils ont liquidé une couple de gars qui avaient de l'allure. Ils ont gardé des Kadri, des James Van Rensdijk pour être leur vétéran qui allait encadrer les jeunes, mais qui, tu sais, à ce moment-là, avaient en bas de 25 ans. Si tu veux une reconstruction shortcut, là, qui donne des... des résultats rapides, là. Faut que tous tes éléments arrivent en même temps. Puis c'est ce qu'on voit avec Toronto. Manque un peu de défenseurs, là, mais en attaque, là, tout arrive en même temps parce que les kids, là, les picks, là, c'est pas des picks de 8 années différentes. Là, qu'il y aurait 8 ans de différence entre le premier et le dernier. Non! Non! C'est 4-5 gars, 6-7 gars qui viennent de 2, 3, maximum 4 drafts puis qui vont grandir ensemble. C'est de même ça marche si tu veux tanker de façon optimale. Faut que tu maximises la défaite. Faut qu'elle serve à quelque chose. Si là, là le Canadien perd, puis continue à perdre, puis à un moment donné, il se réveille, puis il enchaîne des victoires, puis ils font juste finir 9e. Ça va faire comme Ottawa. Ils font pas plus les séries, puis ils ont pas de pic qui a de l'allure. Ouais. Go high or go low, but not in the middle, OK? Hey, tu me sors ton bilingue ce soir. Chante mon English du dimanche. Tu sais, vise pas à clôture. Élance-toi pour un home run ou reste dans l'abri puis astique tes espadrilles. Pas entre les deux, donne à rien. Tristan Nadon nous demande qui est intouchable chez le Canadien de Montréal. Il nous répond, lui, Galchenyuk, Mété, Lekkonen, Drouin. J'ai de la misère à mettre d'autres noms dans l'équation, là. Ben moi, en fait, honnêtement, Drouin, Galchenyuk, Lekkonen, je suis d'accord. Mettez, j'ai de la misère à le mettre. Je suis pas sûr. Ben, vu son âge, vu ce qu'il est capable de faire, on s'entend, là, la comparaison avec qui il est opposé, là, est pas fameuse, là. T'es dans un vrai club, Ligue nationale, avec une défensive qui a de l'allure, Mété joue pas cette année, là. Qui est avec les Knights de London en ce moment. Oui. C'est ça qui vient fausser la patente. C'est que même si dans un vrai club, il serait 8e, genre, en ce moment, là, qu'on lui aurait fait faire une autre année dans le junior qui aurait été bonne pour son développement, malgré tout, il est en avant de tout ce qu'on a. Il est en avant des 10 millions qu'on a en salaire pour la deuxième paire, là, de Osner puis Petrie. Il est en avant de Ben. Il est en avant de Davidson. Il est en avant de Moreau. Écoute, name it. C'est pas normal. Il est pas supposé d'être là. Puis heureusement que le Canadien l'a, mais il est pas supposé d'être là, là. Mais c'est pour ça que moi, c'est pas un headshot, puis même que je te dirais que j'en profiterais du fait qu'il est si bon, puis que s'il s'améliore durant l'année, je l'échangerais, moi. OK, intéressant. Pour moi, c'est pas un intouchable. Dans ça. Je construirais avec ton premier trio qui est Drouin, Lekkonen, Galchenyuk. Mais là, tantôt, là, quand on faisait le calcul, là, tu m'as dit que non, là, tu ne l'échangeais pas, Mété. Non, mais je ne l'échange pas présentement. Mais je veux dire, s'il y a une bonne offre qui arrive dans ça, Il n'est pas intouchable. Pas, okay. Mais c'est ça, mais il n'est pas intouchable. J'aime ta nuance. C'est vrai que tu sais, c'est une offre capotée. Là. Tu le fais. Tu serais fou de faire non, mais tu restes parmi la brigade. Ouais. Non, là, tu sais, je veux dire, on s'entend. Puis tu sais, même encore là, Galchenyuk, là. Même quelqu'un chose. M'appelle avec un choix de première ronde, je te donne lui puis lui. Mais à un moment donné, il faut pas que tu sois cave, tu sais. Non, c'est ça. Ça n'existe pas intouchable. Intouchable, je te dirais que oui, là, les quatre que notre auditeur spot, Tristan, tu sais, il dit Galchenyuk, Mété, Lekkonen, Drouin. Oui, c'est des excellents joueurs. C'est vrai que c'est probablement sur eux que tu veux baser une reconstruction potentielle, que tu veux que centrer ton club. Mais écoute, Drisky t'es changé, là. Tu peux changer à peu près n'importe qui, là. Ben c'est ça. En fait, je pense que t'es intouchable. La définition pour moi, c'est plus genre si t'es veux, là, paye. Puis paye en maudit. Oui, t'sais. C'est ça. Jusqu'au point où est-ce que ça va être un mauvais deal pour toi de le ramasser. C'est ça. Puis rendu là, c'est comme, regarde. T'es-tu assez fou pour payer ce prix-là? Oui, ben écoute, gars. C'est ça. Mais Drouin, je pense que ce serait mon seul vraiment. Puis lui, ce serait genre triple la valeur du joueur. Hein. Mais imagine, là, on se dit, il est intouchable. Entre parenthèses, entre guillemets, là. Mais on l'a acquis pour Sergachev, là. Ah ouais. C'est comme si on échangeait un premier choix 9e contre un 3e. Ouais, d'une couple d'années, là, qui a fait ses preuves, ouais, qui est resté dans les nationales. Mais l'impression d'être intouchable d'un club à l'autre varie, là. Ça dépend des besoins. Ça, ouais, dépend c'est de... sûr. C'est très varié d'un club à l'autre, là. Il y a Guillaume Vaillancourt qui dit, en fait, lui qui répond à Tristan, il dit « Drouin, mettez c'est des intouchables, le reste, trade-les right fucking now. » Fait que, voilà, réponse de Guillaume Vaillancourt. Pour vrai, là, cette semaine, là, les réponses du monde, là, ces posts, là, c'était malade. Ah, c'est un record. Ouais. On veut le battre. On veut le battre pour le prochain show. Ouais. Il reste Jonathan Turcot qui demandait un petit peu plus tôt cette semaine. Il disait quand il y a un combat, tu as 5 minutes des deux côtés, mais s'il n'y a pas d'instigateur, pourquoi qu'il n'y a pas un 4 contre 4 pendant 5 minutes? Ça permettrait d'avoir plus de buts. Mais là, je te dirais que cette année, ça serait moins utile parce que des buts, il y a un score en tabarouette dans la Ligue nationale. Ah oui, vraiment. Ben, pas à Montréal, mais. Mais non, effectivement, on a vu le meilleur match, je pense, c'était Toronto contre, je me souviens plus qui, mais c'était 8-5. Tu sais, quand tu te fais scorer 5 buts, mais que t'es quand même capable de gagner par 4 buts, là, ouais. C'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est ça, tu sais, tu préfères-tu gagner 2-1 ou 8-4? Parce que reste que tu scores deux fois plus de buts que l'adversaire. Ça, c'est le même ratio, là. Peu importe le nombre de buts. Ben oui. Tu veux gagner. En tout cas, je trouve ça. Matière à discussion. Ouais. Je pense que c'est ça, dans la notion de intouchable, là, c'est le fait de limiter les possibilités de discussion qui est le plus gros problème dans tout ça. On l'a dit là, depuis 4 ans. Tu sais, Carey Price, il est bon, oui. Mais si tu te permets même pas de discuter à son sujet, tu peux pas en arriver à avoir un deal qui est avantageux pour toi. Tu vas rester avec l'élément que tu as. Oui, qui a un certain talent, mais qui dit que ce que tu recevrais pour ne te donnerait pas plus de meilleures performances? Tu sais, je, à la fin de la dernière saison, là, on jasait là, avant le draft d'expansion, Petrie pour Fleury. Puis après ça, tu échanges Price pour Monahan puis Sam Bennett ou Hunter Shinkaruk. Puis là, il est passé au balotage. Mais est-ce que le Canadien serait moins bon avec tous ces joueurs-là différents versus la formule actuelle? Ben, je pense pas. Même que le club serait meilleur. Mais si tu n'oses même pas poser la question, si tu n'oses même pas tâter le terrain, ben, tu te coupes des possibilités, là. Ça fait le tour pour les sujets du public. Toi, t'avais-tu des sujets de ton cru? Ben pas vraiment, probablement. Dans tout ce qu'on a eu comme question, j'ai pas mal déversé tout ce que j'avais à parler. Peut-être vraiment, je veux juste mettre un accent sur j'aimerais ça que le Canadien soit comme vraiment plus transparent. Je sais pas pourquoi ça l'est pas. Moi, j'ai le coach Lemko, j'ai un peu de misère, là. Je comprends pas. Genre, on savait qu'il était blessé à la main, mais là, il se fait opérer, il a joué à Laval. En tout cas, c'était juste moi qui trouve pas ça clair. Puis de le signer 3 ans sans aucune preuve de ce qu'il peut faire. Tu le signes 3 ans quand le gars, il a fait 6 clubs dans les 4 dernières années. Pourquoi tu y offres une stabilité à ce point-là? Ça mais il l'a pas signé. Ben, ils l'ont-tu ramassé puis il était déjà signé? Ben, ouais, je pense qu'il était déjà signé. Attends, on va aller. David Schlemko, je l'ai ici. Ah, il était avec les Sharks. Il était signé, il était avec les Sharks. Mais écoute pas. On a été chercher de Vegas, pardon. Ouais. Alors, regarde, c'est un gros n'importe quoi, là. On a demandé cette semaine au public. Si ils étaient rendus à utiliser les mots clics All in for Dallin et Allo for Villano. Il y a Marc Perrault qui a répondu que lui, il était aussi plus du style Fall off for Chevnikov, qui est comme le. Ça a l'air que c'est un talent exceptionnel aussi, mais c'est un russe, fait qu'il y a toujours l'inquiétude que Rachel. Il y a Francis Gravel qui nous dit que Dallin à Montréal, ça serait malade, ou même Chevnikov. Mais que lui, par contre, il trippe vraiment pas sur Veleno. Fait que il met un bémol dans tout ça. Et il y a Max Tixador qui nous dit que lui, ce qu'il utiliserait comme hashtag, ce serait plus Patchy for Tavi. Fait que je suppose qu'il fait référence à Tavares. J'imagine. Fait que je sais pas s'il propose Patcherity, Patchy for Tavi, fait qu'une transaction, ou s'il propose de patcher pour plaire à Tavares. Je sais pas, je suis pas sûr, mais dans tous les cas, c'est sûr que le Canadien peut être une meilleure équipe si c'est là Tavares. Mais comme on a dit plus tôt, dépend toujours des paramètres de la transaction puis du salaire qu'il a en retour. C'est pas un one-way vers le positif nécessairement. Non, mais là, on aurait notre premier centre, là, puis personne chialerait. Là, parce que si j'entendrais après ça, « Ouais, il manque un premier gros centre! Hey, » Hé là, tabarnane, là, vous cherchez le trouble. Ça là. Va te prendre qui? C'est ça. Et dernier truc, on a demandé, selon toi, est-ce que Marc Bergevin va terminer la saison avec le Canadien? On veut ton avis. Il y a Marc Penneau qui nous dit non, ses bons coups se sont annulés avec les mauvais. S'il termine la saison, j'ai peur que les éléments de panique le poussent à détruire ce qu'il reste de potable. L'erreur numéro un de Bergevin, c'est le statu quo sur trop de choses et la peur de tout ce qui est différent. Puis il rajoute que s'il voulait copier le modèle des Hawks, c'est raté. Puis il y a Jean-Michel Brière qui dit « J'en doute vraiment, mauvaise décision sur mauvaise décision, plus mauvais contrat donné, plus mauvaise acquisition. Encore malheureusement, ça va dépendre de la tenue de l'équipe et même là, ça arrivera sûrement pas avant janvier, car Molson est trop patient. » Tu vois, avais-tu des choses à rajouter là-dessus? Pas vraiment, là. Pas vraiment. Je trouve que c'est pas mal tout dit, là. Yes. Bon. Ben écoute, Jerry, encore une fois, un plaisir de faire l'émission avec toi cette semaine de la POC. Merci de ton analyse, de ton regard affûté et de ton énergie contagieuse. Ça me fait plaisir. Non, mais pour vrai, moi, un gros merci à tout le monde qui nous a posé des questions parce que ça paraît pas de même, là, mais aujourd'hui, là, vous avez fait le show. Oui, ben je pense que ça a paru. Tous les sujets provenaient du public, ça l'a aussi amené une vibe un peu différente sur le déroulement du show. D'habitude, on passe d'un sujet à l'autre, tu sais, en passant vraiment d'un sujet à l'autre au fil de la discussion. Là, on revenait avec des questions plus structurées qui n'étaient pas nécessairement dans le flow. Mais je pense que ça a amené une vibe intéressante à l'émission. Fait que lâchez pas. Participez toujours de plus en plus. Comme je disais sur la page, sincèrement, là, on est choyé. Ça jase sur notre page Facebook entre gens qui ont pas nécessairement la même vision, mais toujours dans le respect. C'est vraiment nice. On voit pas ça tous les jours de l'opinion puis du Canadien de Montréal sans que ça dérape. Fait qu'on apprécie énormément. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Jerry, si on veut te retrouver, on passe par où? Vous pouvez me trouver sur Twitter @godbout25. Parler de hockey, beaucoup plus actif. Pour vrai, je découvre la plateforme. En fait, je dis ça, je pense, à chaque show. Mais c'est pas grave. Pour vrai, je découvre la plateforme de plus en plus. Des conversations rapides, c'est vraiment cool. Fait que si vous voulez me parler là-dessus, lâchez-vous là. Sinon, sur Facebook aussi, il y a moyen de jaser, comme justement sur la page de la POC ou... Souvent qu'on était mis ensemble, je partage de quoi sur le hockey, pis t'as le goût de mettre ton grain de sel dans la conversation. Lâche-toi là, j'aime ça. Sinon, j'imagine que t'es aussi t'es rejoignable sur l'Internet. Yes, @gangg_b sur Twitter. Sinon, c'est pas mal, comme 95% du temps, c'est moi qui gère la page Facebook de la POC. Alors, si vous voulez me jaser de hockey, c'est tellement la meilleure plateforme parce que j'essaie de faire attention sur mon compte à moi personnel. Mais si vous voulez m'ajouter, faites juste signaler que c'est par rapport à la POC. Ça va me faire plaisir. Je vais gagner sur Facebook. Sinon, ben, j'ai d'autres projets, d'autres podcasts. Le Magasin Général avec Nicolas Thibault qui va de bon train. C'est toujours le fun de faire cette émission-là avec ce cher ami que j'ai croisé la semaine dernière. Ce fut... Encore une fois, comme toujours, un grand bonheur de faire une activité avec lui. Sinon, ben la réalité augmentée qui est toujours en branle. On continue nos aventures. Et là, ben il y a un spécial Halloween qui s'en vient avec, entre autres, la télésérie de Netflix sur l'exorciste. Vous voulez pas manquer ça? Donc, à suivre dans ce merveilleux podcast. Merci Jerry, merci vous autres, le public, d'avoir été du rendez-vous. C'était JB Gagné. Et en mon nom et au nom de Jerry, on vous remercie et on vous dit à la prochaine fois. Bye bye! Yes, ciao, merci. Salut là.